30, activation orale, numération 20 à 69. Phase 1, énoncez les opérations suivantes. Ce sont des additions. 3 et 4, 7. 6 et 5, 11. 6 et 6, 12. 7 et 7, 14. 7 et 8, 15. 8 et 8, 16. 8 et 9, 17. 8 et 10, 18. 8 et 11, 19. 10 et 10, 20. 17 et 4, 21. 27 et 4, 31. 37 et 4, 41. 47 et 4, 51. 57 et 4, 61. 18 et 4, 22. 28 et 4, 32. 38 et 4, 42. 48 et 4, 52. 58 et 4, 62. Phase 2. Faites les opérations suivantes. Ce sont des multiplications. 2 fois 6, 12. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 5 fois 5, 25. 5 fois 7, 35. 9 fois 5, 45. 9 fois 7, 14. 9 fois 9, 18. 8 fois 7, 56. 9 fois 7, 63. 3 fois 23, 69. Très bien.